je pensais d'écrire une lettre. J'ai choisi la lettre M. Un choix un peu banal peut-être, mais quel autre pour dire que je t'aime, je t'aime. Apprends à lire entre les lignes, déchiffrer les signes de cette lettre anonyme que je te signe. Lire entre les lignes, décrypter les signes de cette lettre anonyme adulte. Écrire une lettre. J'ai choisi la lettre H, car un peu comme ces cigarettes, une seule bouffée de toi m'arrache à moi. C'est écrire une lettre. J'ai choisi la lettre X, à te prendre au pied de la lettre. Nos nuits sont classées d'office complice. Apprends à lire entre les lignes, déchiffrer les signes de cette lettre anonyme que je te signe. Lire entre les lignes, décrypter les signes de cette lettre anodine adulte. Lettre anonyme que je te signe. Entre les lignes, décrypter les signes de cette lettre anodine adulte. Entre les lignes, déchiffrer les signes de cette lettre anonyme que je te signe. Entre les lignes, décrypter les signes de cette lettre anodine adulte.